Exercice 7. Racontez maintenant au passé composé. Transformez. Exemple. Ils arrivèrent de Grèce pour fonder la ville. Ils sont arrivés de Grèce pour fonder la ville. À vous. Ils s'installèrent au bord du Rhône. Ils se sont installés au bord du Rhône. Ils se plurent tout de suite à cause du site. Ils se sont tout de suite plu à cause du site. Ils prirent la décision de ne pas aller voir ailleurs. Ils ont pris la décision de ne pas aller voir ailleurs. Ils construisirent un premier port. Ils ont construit un premier port. Ils eurent rapidement beaucoup d'échanges. Ils ont eu rapidement beaucoup d'échanges. Ils devinrent très vite prospères. Ils sont devenus très vite prospères.